Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 20 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Les personnes coupables de crimes imprescriptibles au Burundi ne sont pas hors de poursuites judiciaires internationales puisque le Burundi vient de formaliser son retrait du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Maître Jacques Wittababagé nous expliquera que les personnes lésées peuvent passer par le Conseil de sécurité de l'ONU pour accéder à la CPI. Alors que plusieurs partis politiques soutiennent le rapatriement du dialogue inter-burundais, le ministre de l'Intérieur affirme de son côté que le Burundi se prépare pour accueillir les réfugiés qui voudraient rentrer et que la normalisation des relations avec le Rwanda va bon train. Un habitant de la commune Nyabiraba a été blessé tôt à l'aube de ce jeudi. L'administrateur parle de bandits armés ayant tiré sur lui, alors que le porte-parole de la police confirme que c'est une patrouille militaire qui a blessé la personne parce qu'il venait de refuser d'obtempérer à la sommation de ses militaires. Enfin, le Burundi célèbre demain le 23e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, le gouvernement se prépare pour accueillir avec dignité les rapatriés. L'annonce est celle du ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique. Pascal Barandagié indique que le gouvernement burundais est en contact avec le HCR et les pays d'accueil des réfugiés burundais. Il ajoute que la collaboration entre le Burundi avec la Tanzanie et la RDC est bonne, que le Rwanda traîne les pieds malheureusement, mais que cette question est en voie de solution. Le ministre Pascal Barandagié se réjouit de l'étape déjà franchie. Tout a été prévu pour les accueillir dans la paix et dans la dignité. Et je dois vous dire que notre appel a déjà été entendu. Dis-moi pour les réfugiés qui sont en Tanzanie et en RDC, nous enregistrons aujourd'hui plus de 100 000 qui sont déjà rentrés. Le seul problème qui reste, c'est du côté du Rwanda. Et nous avons déjà soumis cette question aux hautes instances du HCR au niveau international. C'est d'ailleurs pour cette raison que le haut commissaire assistant chargé de la protection des réfugiés au niveau international va visiter nos deux pays en date du 26, 27, 28. Et nous allons recevoir ici chez nous le 27. C'est donc une occasion, encore une fois, pour démontrer aux yeux du monde que ce que nous avons dit est une réalité. D'abord que la paix et la sécurité règnent sur notre territoire. Et ensuite, que de l'autre côté du Rwanda, ils empêchent les réfugiés de rentrer. Nous avons déjà soumis cette question au HCR en demandant que la tripartite se tienne, c'est-à-dire le gouvernement du Burundi, celui du Rwanda et le HCR pour discuter de cette question sans faux fuyant. Ça sera donc une occasion de plus pour discuter de cette question pour que aussi nos Burundais qui sont au Rwanda puissent rentrer et nous nous apprêtons à les accueillir. Nous sommes déjà même entendus avec le HCR de mettre en place une zone d'accueil pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne voudraient pas aller directement dans leur ménage. On est en train d'aménager une zone d'accueil à Makamba, mais aussi on va aménager une zone d'accueil dans d'autres provinces. Chaque fois qu'il y a de besoin et de concert avec le HCR, nous avons déjà un accord dans ce sens. Donc, tout est prêt pour accueillir ces gens, mais nous demandons à ce que tout le monde puisse contribuer à convaincre ces gens. Du côté de la Tanzanie, la collaboration est parfaite. Nous nous apprêtons aussi à faire des visites en Tanzanie et en Ouganda, mais aussi en RDC, pour convaincre davantage nos ressortissants, pour leur démontrer comment nous nous apprêtons à les accueillir. C'était Pascal Barandagié, dont les propos ont été recueillis par Joseph Nsabiyabandi. Joseph qui revient sur le contenu de la résolution entre les partis politiques et le gouvernement hier. Plusieurs partis politiques agréés au Burundi ont approuvé le retrait du pays du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Les mêmes partis politiques, Joseph, soutiennent le rapatriement du dialogue inter-burundais. Oui, Jean Bosco, cette résolution est constituée de 29 articles. Le gouvernement burundais, les responsables des partis et les leaders politiques se sont engagés, entre autres, de rapatrier le dialogue inter-burundais extérieur. Ceci pour renforcer le travail en synergie entre le facilitateur et la Commission nationale du dialogue inter-burundais. La résolution précisait que les acteurs qui sont poursuivis par la justice doivent répondre à leurs actes avant d'intégrer le dialogue. La même résolution prévoit l'amendement de la Constitution. Pour y arriver, le gouvernement, les responsables des partis et les leaders politiques se sont convenus de mettre en place une commission chargée de proposer l'amendement de la Constitution compte tenu des résultats du dialogue inter-burundais en cours. L'accord d'Arusha et la feuille de route vers les élections de 2015 devront également être évalués. Par cette résolution, Jean Bosco, le gouvernement, les responsables des partis et les leaders politiques projettent de dégager un consensus sur la préparation des élections de 2020. Les mêmes politiciens approuvent le retrait du Burundi du statut de la Cour pénale internationale. Pour ce qui est du rapatriement, la résolution recommande au gouvernement d'accélérer le rapatriement des réfugiés par des actions de sensibilisation ciblées. Le gouvernement devra aussi renforcer le suivi et le contrôle des organisations œuvrant dans le secteur des droits de l'homme. Et dans le secteur des médias, la résolution interdit aux journalistes d'accorder la parole aux politiciens qui s'autoproclament présidents des partis politiques alors qu'ils ne sont pas Jean Bosco. Joseph Sabiyabandi en direct dans ce journal. Il est 13h04 à Bujumbura. Une pause et ce journal se poursuit. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En se retirant de la Cour pénale internationale, le Burundi vient de priver des Burundais une instance qui pourrait leur être utile quand il faut interjeter appel en cas de mécontentement d'une décision rendue par la justice de son pays. Mais, selon Maître Jacques Bitababagé, d'autres voies peuvent permettre aux populations d'accéder à cette cour, en passant notamment par le Conseil de sécurité. Cet homme de droit explique que le fait de se retirer du statut de Rome ne signifie pas pour autant que ceux qui ont commis des crimes ne seront pas jugés. Suivez. Dans le principe d'une justice équitable, les justiciables doivent avoir le droit d'interjeter appel chaque fois qu'ils ne sont pas contents d'une décision rendue par un juge. Or, de façon générale, quand une personne dans un pays quelconque qui a ratifié le statut de Rome, quand elle n'est pas contente d'une décision rendue par la justice de son pays, elle devrait avoir le droit de porter plainte dans une juridiction internationale. Donc, autrement dit, le Burundi vient de priver des Burundais une instance qui pourrait être utile pour les citoyens burundais. Même quand il y a retrait, toutes les voies ne sont pas fermées. Le statut de Rome prévoit une procédure de saisine. Ça veut dire que quand l'ONU, à travers son conseil de sécurité, a des informations comme quoi dans un pays quelconque, il y a des violations massives des droits de l'homme, le conseil de sécurité demande au procureur de se saisir directement de ce cas et alors les enquêtes peuvent commencer même sans l'accord du pays. Une autre voie qui est ouverte, c'est celle du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donne la possibilité aux Nations Unies d'intervenir quand il y a encore une fois violation massive des droits de l'homme, quand bien même le pays ne serait pas d'accord. Personnellement, je pense que les gens qui seraient, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les gens qui seraient tentés de commettre ces crimes en disant « Nous nous sommes retirés de statut de Rome, donc nous serons jugés par les tribunaux burundais », ces gens pourront se retrouver tôt ou tard dans le collimateur de la justice internationale. Voilà, c'était Maître Jacques Bitababagé. Tout Burundais est appelé à œuvrer pour la paix et doit être respecté dans ses droits. C'est une déclaration mentionnée dans un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur dans le cadre de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye. Cette commémoration est une occasion de méditer sur l'héritage du président Ndadaye, le porte-flambeau de la démocratie, comme l'a souligné l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nahirage. Cette commémoration constitue pour le peuple burundais une occasion spéciale de méditer sur le legs qu'il nous a laissé, qui n'est autre que être le porte-flambeau de la démocratie partout où l'on se trouve. Au moment où nous commémorons le 23e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie au Burundi, son Excellence Melchior Ndadaye et de ses proches collaborateurs, nous devrions reconnaître que ce qui s'est passé la nuit du 20 au 21 octobre 1993 est un acte ignoble, un crime contre l'humanité qui a fait reculer en arrière notre pays. Disons-nous tous ensemble, plus jamais ça, non seulement au Burundi, mais aussi dans le monde entier. La commémoration de cet événement historique arrive au moment où le Burundi franchit une étape très remarquable de la démocratie, surtout que ça fait plus d'une année que le peuple burundais vient de mettre en place toutes les institutions à travers les élections démocratiques de 2015. Cependant, lors de ces dernières élections, le peuple burundais a constaté qu'il existe encore une poignée de gens antidémocratiques, que de tels comportements soient effacés dans la mémoire de ces gens, surtout que ça rappelle au peuple burundais l'assassinat du héros de la démocratie, Son Excellence Melchior Ndadaye, et de ses proches collaborateurs. Dans la suite de ce journal, un habitant de la colline Kinama, en commune Nyabiraba, a été blessé dans la matinée de ce jeudi. L'administrateur de la commune, Ferdinand Simbananiye, indique que le forfait a été commis par un groupe de bandits non encore identifiés. Suivez-le. Ce sont des bandits qui avaient une mission de voler dans le ménage de la localité de Nyangara, sur la colline Kinama. Très tôt le matin, il y avait une personne qui s'était réveillée pour aller à ses activités de tous les jours et il a été fusillé par ces bandits. Maintenant, les forces de l'ordre, l'administration et la population sont à la poursuite de ces bandits. Et je suis sûr qu'ils doivent les traquer, quoi qu'il en soit, ils doivent les attraper. Et la personne qui a été fusillée n'est pas morte. Mais actuellement, elle se trouve à l'hôpital pour se faire soigner. Ferdinand Simbananiye, c'est l'administrateur de la commune Nyabiraba. De son côté, le porte-parole de la police indique que ce sont des militaires qui ont tiré sur Manira Kizahirik. Pierre Ngurikiye explique que ces militaires étaient en patrouille à l'aube quand ils sont tombés en brousse sur cette personne en train de récupérer des avocats qu'il y avait mis. Quand les militaires l'ont appelé pour savoir qui c'était, il a pris fuite et les militaires ont tiré sur lui. Le porte-parole de la police précise que le blessé a été évacué à l'hôpital à Bujumbura. Et un certain Bigirimana, fidèle à Agathon Rwasa, résident sur la colline Moussegni, en commune Rugombo, dans la province de Cibitoke, a été arrêté par la police, accompagné par un dirigeant du parti CNDD-FDD. Il est détenu au cachot de la commune Rugombo. Le chef provincial de ce qui était Coalition Amizero ya Barundi pendant les élections indique que c'est une chasse à l'homme orchestrée à l'endroit de ses membres. Il demande sa libération. Le chef de poste de la commune Rugombo indique que cet homme a été arrêté pour motif d'enquête. Et 30% des fonds nécessaires à l'exécution de l'un des projets prioritaires définis par le conseil communal de Bururi sont ceux-là déjà décaissés par le Fonds national d'investissement communal. Nestor Nijimbere, administrateur communal de Bururi, espère que le reste de ces fonds sera bientôt décaissé par la commune, puisque la commune a déjà terminé les formalités y relatives. Jean-Pierre Misago pour les détails. 176 millions prévus pour la construction des centres d'enseignement des métiers de tabac en commune Bururi. Le Fonds national d'investissement communal a déjà décaissé seulement 30% et les constructions sont au niveau du linteau. Selon Nestor Nijimbere, administrateur communal de Bururi, ce centre d'enseignement des métiers est dans un vaste projet de construction des écoles fondamentales à Mudahandwa, Burunga, Gahago et Gasasa. Deux autres grands projets à réaliser dans les 500 millions destinés à chaque commune et chaque année concerne l'étude de deux lignes d'adduction d'eau potable à Changwe et Andagano, ainsi que la dotation des bancs pupitres à ces écoles. Alors qu'il ne reste qu'à peu près deux mois pour que l'année 2016 s'achève, Nestor Nijimbere ne doute pas que tous les fonds restants seront décaissés car la commune a déjà épuisé les démarches irrelatives. Il y rassure que ces fonds seront convenablement utilisés. Cet administrateur communal de Bururi demande au gouvernement burundais de doubler ses fonds alloués à chaque commune et chaque année pour l'exécution de tous les projets de développement de la commune. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et plus de 50 motos ont été saisies par la police dans la province de Cibitoke. Ces motos n'ont pas de documents de circulation. Le chef de police dans cette province, Wizindavi Eugène, indique que cette campagne se déroule dans toutes les communes de cette province. Les propriétaires de ces motos demandent qu'un temps suffisant leur soit accordé parce que ces documents coûtent de l'argent. Et à mairie de Bujumbura, un désordre est apparu ce matin à l'université Paix et Réconciliation dans la zone Giza. Il s'agissait des lauréats de cette université qui réclamaient leurs attestations de réussite depuis le mois d'octobre 2015. Ces étudiants ajoutent qu'aucun diplôme n'a été délivré par cette université depuis sa création. Docteur Cyprien Sinzobahamzia, le recteur de cette université, tranquillise que cette question sera résolue ce samedi. Et à propos des diplômes, Il s'agit de l'affaire du représentant légal de cette université, ajoute le recteur. À la source, reportage. Cap sur la province de Ruyigui, où certains habitants disent se retrouver dans la disette. Le gouverneur de cette province projette une décision par laquelle tout garçon en âge de se marier doit d'abord montrer un champ de plantation dans l'optique d'augmenter la production. Au moment où cette population implore de l'aide, le premier vice-président de la République projette la sensibilisation des cultures résistantes au changement climatique. Reportage signé Alain Désiré au Cayenne. Celui-ci est un habitant de la province Ruyigui. Au moment où la population crée le changement climatique et surtout la sécheresse, la population de cette province dit croupir dans la misère et la famine. Un habitant déplore que certains n'ont rien à manger, d'autres mangent une quantité insuffisante. Puisque la pauvreté gangrène notre pays, certains mangent une fois la journée. Il y en a même qui n'ont rien à manger. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide en nous donnant notamment les semences dans cette saison culturelle. Nous avons quitté nos domiciles sans rien manger. Certains préfèrent se regrouper dans des associations, mais la famine et le manque de cotisations constituent des obstacles qui les bloquent. Nous travaillons de 7h à 14h. Il y a ceux qui travaillent sans rien manger. Les enfants partent à l'école vont affamés. Il y a même ceux qui abandonnent l'école. Nous nous efforçons de se regrouper en association, mais le manque de cotisation et l'engrais chimique constituent mes obstacles. Nous ne pouvons pas cotiser au moment où nous n'avons rien à manger. D'autres disent confrontés à une alimentation déséquilibrée. Ils n'ont pas de moyens pour cultiver les fruits, sinon personne ne préfère une alimentation déséquilibrée. Le gouverneur de cette province est satisfait puisque certains habitants ont déjà adopté les bonnes pratiques agricoles. Parmi ces décisions, Abdallah Hassan projette celle qui pourra bloquer les garçons en âge de se marier s'ils ne justifient un champ de plantation. C'est une province où la population a adopté les bonnes pratiques agricoles. Nous nous en réjouissons en tant qu'autorité publique. C'est pour cette raison que dans au but d'augmenter la production, nous allons prendre la décision par laquelle aucun garçon en âge de se marier ne pourra le faire sans avoir montré un champ de plantation, ce qui diminuera la famine dans la province et surtout dans les familles. La sensibilisation de recourir aux cultures qui résistent au changement climatique sera dans le programme du gouvernement. Gaston Sindimou ajoute d'autres actions qui seront menées. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis en place un programme de cultures qui résistent au changement climatique, entre autres le manioc, la banane, les patates douces, les cultures dans les marais, sans oublier le champ communément appelé Akarima Kigikoni. Gaston Sindimou ajoute l'action par laquelle certaines cultures seront mises en avant selon qu'ils poussent bien dans telle ou telle région. Le représentant de la FAO au Burundi dit que les provinces les plus peuplées, entre autres Ubanza, Changuzo, Karusi, Kirundo, Kayanza, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi, sont les plus plongées dans l'insécurité alimentaire chronique. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, vous en saurez davantage sur ce qu'il faut retenir du dernier débat Clinton-Trump aux États-Unis pour ce qui est de la présidentielle américaine. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a été jugé coupable de subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Et enfin, la journée ville morte a été diversement suivie dans le pays, la RDC. Les détails avec Évrard Aviariman. Au lendemain de la signature de l'accord politique entre la majorité et une partie de l'opposition, les autres formations de l'opposition ont appelé les Congolais à rester chez eux ce mercredi 19 octobre pour donner un avertissement, un carton jaune à Joseph Kabila. Une journée ville morte globalement suivie à Kinshasa, même si dans certains quartiers l'activité commence à reprendre. Jean-Pierre Bemba jugé coupable de subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Comme on le lit sur BBC Afrique, la Cour pénale internationale nationale a déclaré ce mercredi 19 octobre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés coupables de subornation de témoins en fait d'obtenir son acquittement dans son procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité. L'avocat de Jean-Pierre Bemba, maître Melinda Taylor, a d'ores et déjà annoncé l'intention de son client de faire l'appel. Aux États-Unis, le troisième et dernier débat pour la présidentielle américaine a eu lieu mercredi soir le 19 octobre à l'Université de Nevada. Hillary Clinton et Donald Trump ont été invités à s'exprimer sur l'immigration, les droits des femmes et les armes à feu, la politique étrangère ou encore l'économie. Le journal Le Monde se demande si Trump reconnaîtra les résultats. Au cours de ce dernier débat, Donald Trump n'a pas voulu dire s'il connaîtra les résultats de l'élection s'il venait à perdre face à Hillary Clinton. Du jamais vu dans la démocratie américaine, et cette petite phrase n'a pas fini de susciter des commentaires. Donald Trump a dit qu'il préfère garder le suspense quant à son acceptation des résultats. Je cite, « Je verrai à ce moment-là », fin de citation. C'est terrifiant, a répliqué la candidate démocrate comme on continue de le lire dans Jeune Afrique. C'est un sujet important aux États-Unis. Le perdant doit reconnaître la victoire de son adversaire. Cette reconnaissance fait partie des fondements de la démocratie américaine. Évrard Habyarimana, un rappel des grands titres avant de nous séparer. Les personnes coupables de crimes imprescriptibles au Burundi ne sont pas hors de poursuites judiciaires internationales puisque le Burundi vient de formaliser son retrait du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Maître Jacques Bitababagé explique que les personnes lésées peuvent passer par le Conseil de sécurité de l'ONU pour accéder à la CPI. Alors que plusieurs partis politiques soutiennent le rapatriement du dialogue inter-burundais, le ministre de l'Intérieur affirme de son côté que le Burundi se prépare pour accueillir avec dignité les réfugiés qui voudraient rentrer et que la normalisation des relations entre le Burundi et le Rwanda va bon train. Et un habitant de la commune de Nyabiraba a été blessé tôt à l'aube de ce jeudi. L'administrateur parle de bandits ayant tiré sur lui alors que le porte-parole de la police confirme que c'est une patrouille militaire qui l'a blessé parce qu'il venait de refuser d'obtempérer à la sommation de ses militaires. Enfin, le Burundi célèbre demain le 23e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Il est 13h20 à Bujumbura. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. En bon après-midi.